8:27, activation orale, dialogue entre Mireille et Jean-Denis. Vous allez entendre un dialogue entre Mireille et Jean-Denis. Écoutez attentivement. Vous allez apprendre les réponses de Mireille. Et ça, qui est-ce? Ça, c'est Sophie. C'est ma cousine. Ah oui, la sœur de Philippe? Oui, c'est ça. Et comment est-elle? Elle est sympathique? Ouais, enfin, elle est gentille. Mais je préfère mes cousins Bello, surtout Georges. Elle n'est pas mal, ta cousine. Quel âge a-t-elle? Elle a 17 ans. Et un seul caractère, je te préviens. Répétez. Et ça, qui est-ce? Ça, c'est Sophie. C'est ma cousine. Ah oui, la sœur de Philippe? Oui, c'est ça. Et comment est-elle? Elle est sympathique? Ouais, enfin, elle est gentille. Mais je préfère mes cousins Bello, surtout Georges. Elle n'est pas mal, ta cousine. Quel âge a-t-elle? Elle a 17 ans. Et un seul caractère, je te préviens. Répondez. Et ça, qui est-ce? Ah oui, la sœur de Philippe? Et comment est-elle? Elle est sympathique? Elle n'est pas mal, ta cousine. Quel âge a-t-elle?